Moni se yon ti fi kon vivli kon jan boul boul le aven. Plen te fet remen nou ta vivo san fiskas kon voyaje. Ou li a la vi vin chanje. A Moni se la gen mwen an blo. Si se pat do lan ta jwen a Moni fiskas kon mouni. Ma priye mon dieu pou li ramase la tribulation. Je dis, harmonise ma chère, c'est pour ma vie, ta voix chérie. Déjà.